dès les premiers pas, je sens s'ouvrir le précipice. Au bout de mes pieds, c'est sans le choix que je m'y glisse. Déjà bien ailleurs, pour le présent je ne suis plus qu'un aïeux. Dans ce voyage, sans retour aux couleurs tape à l'œil. Un rouge vif a éclairé le retard de la mort sur sa barque qui dans quelques sabliers amarre. La gorge nouée sur l'épave, nous repoussons l'écume. Elle s'échoue blanche, épaisse sur les flancs de l'écluse. Quitter le sol à l'aune du vraisemblant, à quitter ce corps et acquérir un ressemblant. Signer la feuille à l'ordre du vraisemblable. J'ai foulé le seuil précédant mon véritable moi. Il fait froid ce matin, mes doigts bleuis me le rappellent. Dès lors un son strident ricoche et puis martèle. La cime de mes tympans d'une telle violence que je décroche. La brume s'avance alors dans sa robe pastel. Et dans les flammes brunes, nous voyageons sous une passerelle. Les flots se font sinueux sous ce ciel délavé. J'avance silencieux, la mine délabrée. Quitter le sol à l'aube du vraisemblant. Quitter de ce corps et acquérir un ressemblant. Signer la feuille à l'ordre du vraisemblable. J'ai foulé le seuil précédant mon véritable moi. Au loin, d'un noir si dense, le rien se dessine. Mon enveloppe me délaisse et ma présence s'enracine. J'ai quitté le navire pour d'autres confluents. Des voies qui ne mènent nulle part, là où il n'y a plus de mouvement. Mes fréquences n'oscillent plus. Tombé sous le coup de faucille, plus rien qu'un monument. Quitter le sol à l'aube du vraisemblant. À quitter de ce corps et acquérir l'enfant un brouillé. Ressemblant. Signer la feuille à l'ordre du vraisemblable. J'ai foulé le seuil précédant mon véritable moi.